retour à Futur Simple sur CKRL 89,1. Le désastre que constitue la disparition de la mer d'Aral est énorme. Entre les années 1960 et 1990, l'eau de la mer d'Aral a peu à peu commencé à disparaître. En 1987, la mer était divisée en deux, une petite partie au nord et une plus grande au sud. Entre 1960 et 1998, le volume global avait diminué de 78%. Après plusieurs tentatives de sauvetage sans succès, le Kazakhstan tente de sauver ce qui reste de cette mer qui fut autrefois la quatrième plus grande du monde. Mais pour comprendre comment la mer d'Aral a pu disparaître aussi vite, il faut retourner plusieurs années en arrière, à l'époque de l'Union soviétique. Alors pour élaborer sur le sujet, j'ai avec moi Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Alors Mélanie, si on commençait par faire un retour dans l'histoire. Oui, tout à fait, parce que c'est essentiel pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à la mer d'Aral. Donc, en 1937, l'Union soviétique était soucieuse d'augmenter non seulement sa production de denrées agricoles à des fins alimentaires et industrielles, mais aussi ses propres revenus d'exportation, et est donc devenu un exportateur de coton. Et en l'espace d'environ une décennie, l'agriculture a été mécanisée en Ouzbékistan et au Turkménistan afin d'augmenter les productions de coton et de blé. Et ça, c'est des cultures qu'on sait qui sont fortement consommatrices d'eau. Et il fallait tenir compte de l'aridité de cette région, qui est un climat qui est assez aride. Et donc, l'eau dans la région, comme dans tous les écosystèmes secs, bien, c'est vraiment un facteur qui est très limitant. Donc, dans un climat aussi aride, j'imagine que l'irrigation était primordiale. Ah, tout à fait. Sur 150 millions d'hectares de terres arables disponibles, mais il y avait 90% des terres qui étaient mises en valeur, qui étaient irriguées. Et ça, c'est des chiffres de 1992. Mm-hmm. Donc, les ingénieurs soviétiques se sont lancés dans un vaste programme de construction de barrages et de canaux. Pour vous donner un exemple, en 1954, Khrouchtchev lançait le plan de mise en valeur des terres nouvelles. Il s'agissait d'accélérer l'accroissement de la production agricole soviétique, notamment celle du coton, une production qui était considérée comme stratégique et très rentable pour l'URSS. Et à cette époque-là, les Américains barraient pratiquement toutes leurs rivières et détournaient des quantités d'eau afin d'irriguer leurs propres terres agricoles arides de l'Ouest. Les Israéliens s'efforçaient de faire fleurir le désert en exportant des oranges. Et bon, donc, les Soviétiques se sont dit, pourquoi pas, nous, on n'en ferait pas autant. Et entre 1965 et 1986, la surface des parcelles irriguées s'est accrue à un rythme annuel d'environ 2,1%. Ça peut paraître faible, mais vous allez voir que les chiffres qui suivent... Mais sur 21 ans, ça fait beaucoup. C'est ça. Donc, les surfaces irriguées dans le bassin de l'Aral croissaient de 5 à 9 millions d'hectares. Les taux d'utilisation de l'eau à cet endroit-là ont même doublé. Et il y a eu d'autres canaux qui ont été construits, qui ont été destinés à répartir à travers l'Asie centrale soviétique une quantité croissante de l'eau de ces fleuves. Mais cette eau, dont d'énormes quantités étaient gaspillées là, par simple évaporation, bien, ne revenait pratiquement jamais à la mer. Et en 1950, 50 km cubes d'eau par année rejoignaient la mer d'Aral. Et en 1990, ce volume était de l'ordre de 5 à 9 km cubes. Là, une diminution énorme. De ce qui venait du bassin versant. Exactement. La disparition de la mer d'Aral est devenue, là, aujourd'hui, on pourrait dire, l'archétype du désastre écologique là, qui est provoqué par une gestion, qu'on pourrait même dire mauvaise, à court terme des ressources hydrauliques. Mais comment est-ce que, en fait, ce désastre écologique a-t-il modifié la région? Ça a dû faire une énorme différence. Ah, tout à fait. En fait, ce désastre-là est venu altérer radicalement l'équilibre environnemental de la région, et ce, de plusieurs manières. D'abord, ben, il y a eu d'énormes dépôts de sel qui se sont faits, des dépôts de nitrates et même des dépôts de pesticides qui se sont formés. Et là, par la suite, ben, le vent souffle sur ces dépôts-là, qui sont aujourd'hui desséchés, soulève près de 40 millions de tonnes de ces sédiments toxiques chaque année et les transporte très loin à l'intérieur des terres, ce qui empoisonne les sols en plus d'empoisonner les habitants aux alentours. La dispersion de la mer d'Aral a aussi comme conséquence une conséquence plus climatique parce qu'elle agissait comme élément régulateur des écarts thermiques. Ben oui, comme toutes les mers et les océans. Exactement. En fait, hein. Donc, ça s'est venu perturber totalement le climat local qui a de plus en plus une coloration nettement plus continentale, donc plus sec et avec des écarts thermiques plus importants. Plus, c'est ça. Et aussi comme conséquence que la fréquence des tempêtes de fort vent a augmenté, accroissant du même coup là, les quantités de sédiments toxiques que je parlais tout à l'heure. Pour vous donner un exemple, là, il y a de la poussière qui provenait de la mer d'Aral qui a été trouvée jusqu'en Biélorussie. Ça, c'est à 2000 km à l'ouest de la mer d'Aral. Et une autre conséquence qu'on a observée, c'est que la pluviométrie locale a diminué de moitié à proximité de la mer. Et l'humidité relative, là, dans un rayon de 100 km, a baissé de 28%. Ça, c'est certain. Et puis, une dernière conséquence que j'ai trouvée aussi, c'est que depuis 1982, ben, toute activité commerciale de pêche là, s'est arrêtée. Donc, c'est plus possible vraiment de pêcher. Là. Ainsi, là, la mer d'Aral, le quatrième plus grand lac au monde par sa superficie, en 1960, a entamé un lent déclin qui illustre tragiquement là, les statistiques qu'on observe. Certes, la mer d'Aral avait connu des fluctuations tant à l'échelle là, géologique qu'à l'époque récente, mais jamais la mer avait connu un changement aussi radical. Si vous regardez des photos, vous tapez ça « ma mer d'Aral » dans Google, oui. Vous allez être impressionné à quel point elle a énormément changé. Là. Est-ce que les Soviétiques ont essayé d'enrayer cet assèchement? Ben, les autorités soviétiques de l'époque ne sont pas restées impassibles là, devant ce désastre écologique. Là. Ils sont aperçus qu'il se passait quelque chose de grave. Mm-hmm. En 1969, d'ailleurs, on a pensé pomper de l'eau de la mer Caspienne, qui n'est pas très loin. Mais là, on fait juste déplacer le problème. C'est ça. Parce que là, à plus ou moins long terme, là, on va assécher une autre mer pour en sauver une autre. C'est ça. L'idée n'était pas très bonne. Parce que là, il aurait fallu compenser les prélèvements de la mer Caspienne. On avait même pensé détourner les eaux des fleuves sibériens pour renflouer la mer. Donc là, c'est encore plus farfelu comme idée, là, parce que là, les fleuves sibériens, c'est très loin. Là, il aurait fallu construire un paquet de digues qui auraient passé par le Kazakhstan. En tout cas, probablement des millions de dollars qui auraient été un peu gaspillés. Et à cause des ravages de l'agriculture industrielle soviétique, ben la mer d'Aral a aujourd'hui perdu 88% de sa superficie et 90% de son volume. Et là, tout projet de restauration de la mer d'Aral, là, ça impliquerait une réduction massive de la quantité d'eau consommée à des fins agricoles. Stabiliser la mer à son niveau de 90, là, c'est déjà considéré plus bas en plus que le niveau des années 60. Ça impliquerait de cesser l'irrigation sur plus de la moitié de la surface agricole exploitée à l'heure actuelle. Puis ça, c'est un scénario qui est totalement impensable, là, compte tenu de la structure de la population, du chômage, des difficultés économiques majeures actuelles que ces pays-là vivent, là, ces anciennes républiques de l'URSS-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu récemment une dernière tentative de sauvetage? Ben oui, en fait, alors qu'on pensait que tout projet de sauvetage avait été oublié, ben le Kazakhstan a fait une ultime tentative, on pourrait dire, pour sauver ce qui reste là, de la mer d'Aral. Avec l'aide de la Banque mondiale, le Kazakhstan a déjà fait construire à l'endroit où se jette le Sirdaria, ça c'est le grand fleuve là, qui baigne la mer d'Aral, qui l'alimente. Elle a construit une digue longue de 17 km et haute de 6 mètres. Et l'objectif de cette construction-là, c'était de permettre aux eaux du Sirdaria de stagner dans la partie nord de la mer d'Aral et éviter qu'elle ne s'échappe là, dans l'immense partie sud qui est devenue complètement presque un désert, là, puis qui est condamnée là, définitivement. Et grâce à cette initiative, ben, le volume de la partie nord est resté constant depuis 8 ans. C'est un peu surprenant. 7 nouvelles espèces de poissons auraient refait leur apparition. La salinité de l'eau aurait été réduite de 5 fois. Mm-hmm. Et les prises de pêche là, auraient été multipliées par 12. Donc, on a vu une reprise de la pêche en plus, mm-hmm. d'une hausse du niveau. Et dans un second temps, le Kazakhstan envisage de construire plus au nord un second barrage, éventuellement sorti d'un canal qui viendrait irriguer la ville. Ces projets sont encore flous pour l'instant et peut-être même ça devrait pas se concrétiser avant au moins 15 ans. Donc, on pourrait dire que la disparition de la mer d'Aral constitue là, la meilleure illustration des conséquences de l'imposition d'un modèle économique là, qui est totalement inadapté là, aux ressources disponibles et au climat local. Mmh. Et la combinaison de l'irrigation et de l'agriculture industrielle, là, ça a vraiment conduit à une rapide surexploitation de la ressource en eau, puis ça a conduit la mer à complètement disparaître. Mais malheureusement, la mer d'Aral, c'est pas le seul cas de plan d'eau qui est en rapide régression. Là. On a juste à regarder le lac Tchad là, en Afrique, ou la mer morte même, qui ouais. est en train de disparaître elle aussi. Et il me semble aussi que le sud-ouest américain n'y échappe pas non plus. Oui, le Colorado. Ouais. Parfois, il arrive à son embouchure au Mexique, il n'y a plus d'eau. Oui, c'est un fait. En fait, effectivement, le niveau des lacs diminue constamment. Puis, comme tu disais, le Colorado a perdu le tiers de son débit dans les 10 dernières années. Oui, alors, c'est énorme. Essentiellement à cause de l'irrigation agricole. Oui, c'est un gros problème, ça. Effectivement. Alors, espérons que, en fait, pour la mer d'Aral, les efforts des Kazakhs permettront de faire revivre cette mer. Alors, merci, Mélanie. Et de rien. Et maintenant, on part en pause musicale sur CKRL au 89,1.